La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là au deuxième jour de notre série consacrée à l'écrivaine américaine Toni Morrison. Une série commencée hier avec Florence Noiville et Christine Laferrière qui ont retracé pour nous les grandes étapes de la vie de Toni Morrison. Son enfance dans une famille d'ouvriers à Lorraine dans l'Ohio, son parcours universitaire d'excellence, sa carrière dans l'édition, puis le tournant vers une écriture d'abord et avant tout à destination des Noirs américains. Cette émission, vous pouvez bien entendu la retrouver en podcast. Jeudi, avec Vanessa Silvanise, nous parlerons en première partie de la question de l'art noir revendiquée par l'écrivaine, puis nous nous arrêterons avec Josiane Savigno sur son roman Paradis. Enfin demain, il sera question notamment de la philosophie sensuelle des objets à l'œuvre dans l'écriture de Toni Morrison. Annie Paul, Miel de Prinsac sera là pour nous en parler. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour analyser plus avant la littérature de Toni Morrison, nous sommes avec Claudine Reynaud, professeure au département des études anglophones de l'université Paul Valéry de Montpellier, auteure de l'essai Toni Morrison, l'esthétique de la survie chez Belin dans la collection Voix américaines. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. It's a kind of archaeology, I guess. Je pense qu'il s'agit d'une sorte d'archéologie. In addition to which, so much of our history has been erased, distorted. En plus du fait qu'une grande partie de notre histoire a été effacée, déformée, reconstruite à un niveau fantasmatique, comme pour éviter les vérités du passé qui seraient en quelque sorte si dégradantes que personne ne pourrait les suspendre. But I think clarity about the past. Mais je pense que la clarté, transparence au sujet du passé joue un rôle très important dans la façon dont nous abordons le présent et préparons l'avenir. Mais nous ne savons pas. C'est comme pour une personne. Si un être humain ne sait pas ce qui est arrivé à lui ou à ses parents, il ne sera jamais en possession de tous ses moyens pour affronter la situation présente ou l'avenir. Toni Morrison, interrogée par François Nudelman en 2011. Bonjour Claudine Reynaud. Bonjour. Alors il faut connaître son passé et celui de sa famille pour pouvoir vivre au présent, dit l'écrivaine dans cette archive. Autrement dit, Toni Morrison s'emploierait surtout à raconter le passé. C'est votre sentiment, Claudine Reynaud ? Dans un sens, oui, mais c'est une écriture du présent et c'est une écriture aussi tournée vers l'avenir. Et donc le sous-titre de mon essai, l'esthétique de la survie, dit bien cela. Il s'agit de dire comment on a survécu. Elle a d'ailleurs dit une fois que le bonheur ne l'intéressait pas, c'est surtout la survie qui l'intéressait. Donc comment les esclaves ont survécu, comment les descendants des esclaves ont survécu. Et malheureusement, comme on le voit dans la préface de L'origine des autres, c'est exactement, c'est une question qui se pose toujours, hein, celle de la survie et de la vulnérabilité des corps noirs, même aujourd'hui en Amérique. Mais quand elle dit ça, que ce n'est pas tant le bonheur que la survie qui l'intéresse, est-ce qu'elle en parle en tant que sujet ou est-ce qu'elle dit ça pour sa vie propre ? Alors, je dirais, moi, que c'est pour son écriture, hein, et que, effectivement, quand je regarde quand elle a dit cela, on voit que dans les romans plus récents, il y a des résolutions, hein, donc il y a quelque chose qui l'intéresse du côté de la rédemption, il y a quelque chose qui l'intéresse du côté aussi, peut-être, d'une écriture prophétique, mais jamais elle ne fait l'économie de revenir sur le passé. Et ce qui est, je pense, primordial pour l'écriture de Toni Morrison, c'est la mémoire. Mm-hmm. Hein. Donc cette mémoire qui explique comment on passe d'un temps présent. Alors parfois c'est le présent du roman. Alors quand on pense à Beloved par exemple, les gens pensent que c'est un roman sur l'esclavage. Rien n'est moins sûr, hein, puisqu'il s'agit du temps de la reconstruction et on arrive au temps de l'esclavage et même au-delà. C'est-à-dire qu'on va même jusqu'en Afrique en remontant, si vous voulez, les retours, les va-et-vient de la mémoire. Et de la mémoire des personnages que campe Toni Morrison. Donc c'est un roman sur la mémoire, Beloved ? C'est un roman, alors chaque fois je n'ose pas dire que c'est sûr, c'est un roman sur la mémoire, mais c'est un roman qui traduit ce que fait la mémoire, c'est-à-dire le travail de mémoire, et dont ce travail de mémoire va correspondre à la facture même du roman, et donc ce n'est pas tant sur la mémoire qu'un roman dont si vous voulez, la fabrique, la facture, les mouvements, les temporalités épousent ce que fait la mémoire. Mm-hmm. Comment on se souvient, comment on refuse de se souvenir. C'est ce que fait Seth. Hein, donc au départ, mais elle l'esclave ne peut pas. L'esclave noir qui est le personnage principal. Oui, qui est le personnage principal de Beloved. C'est d'ailleurs un jeu de mots, je pense, sur Leve, qui est la rivière de l'oubli. Hein. Donc Seve, disons dans un premier temps, va essayer de ne pas, hein, de garder ce passé donc traumatique loin d'elle, de prendre une distance. Et bien sûr, il va y avoir le retour du refoulé. Ce refoulé prendra corps, si on peut dire, puisque c'est pas tant un corps qu'une présence fantomatique, de Beloved, donc la fille qu'elle aurait, enfin qu'elle a assassinée, qu'elle a tuée. Oui. On va revenir sur Beloved longuement au cours de cette émission, Claudine Reynaud, poursuivre un petit peu sur la question de l'histoire. Alors, certains de ces romans se passent de nos jours, mais c'est vrai que la plupart de ces romans se passent dans le passé. Est-ce qu'on peut parler de roman historique? Est-ce qu'il y a pour vous un lien avec l'histoire? Alors, ce n'est pas un roman historique. Il y a des romans historiques comme Margaret Walker, par exemple, a écrit un roman qui s'appelle Jubilee, ou alors les gens connaissent plutôt Racine, hein, de Alex Haley. Mais justement, il s'agit d'une réflexion sur ce qu'est l'histoire, l'histoire avec un grand H, disons, dans l'histoire officielle, et l'histoire des Noirs américains. Donc l'histoire non officielle. L'histoire officielle a tendance à exclure l'histoire des Noirs américains. Oui, et les premiers romans, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a, hein, dans les années 74, elle a rassemblé un livre qu'elle a appelé The Black Book, qui est un roman d'histoire, et je pense que c'est intéressant d'aller vers ce texte, qui est un genre de livre herbier, où il y a de l'archive, si vous voulez, des choses qui ont été retrouvées dans les greniers, etc., et qui a une forme très discontinue, qui peut expliquer comment, si vous voulez, l'histoire va intervenir dans le roman. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire officielle et il y a, à côté de cette histoire officielle, ce que l'histoire orale, d'abord, des Noirs américains, comment cette histoire-là a été donc effacée, niée. Pour ce qui est de Beloved, Morrison était absolument clair, elle a parlé d'amnésie de l'Amérique par rapport au génocide que constitue le voyage du milieu, la traversée transatlantique. Donc, lire les romans de Toni Morrison, c'est essayer de comprendre comment on peut mettre en question l'histoire officielle, l'histoire qui est faite par ceux qui créent les définitions, hein, donc les maîtres, si vous voulez, par rapport aux esclaves. Mais elle est là. Alors, en ce qui me concerne, par exemple, je suis bien obligée, quand j'enseigne les romans de Toni Morrison, de dire aux étudiants, attention, là, ils sont en train de parler, par exemple, du lynchage en 1955 d'Emmett Till, hein, puisqu'il s'agit de conversations que l'on surprend, on va dire, dans les chopes du barbier, mais ça va être cet événement qui est central, d'une certaine façon, 1955, puisqu'il est juste après, en plus, la déségrégation dans les écoles, 1954, et il y a ce lynchage avec une photo qui a fait le tour du monde littéralement. Donc l'histoire dans les romans de Toni Morrison, elle surgit dans les conversations, c'est ce que vous dites, oui. Mais les personnages, qui sont essentiellement des personnages noirs, il y a très peu de personnages blancs, ne prennent pas part eux-mêmes à ce qu'on pourrait appeler l'histoire officielle. Alors, ça, disons que je, en anglais, on dit to qualify, disons, j'aimerais apporter une modulation, préciser, de modifier un petit peu cette chose-là, puisque l'histoire, elle a très souvent des soldats, par exemple, dont vous avez dans Sula Shadrach, hein, qui est un soldat qui a pris part à la Première Guerre mondiale et qui en est revenu totalement fou, on va dire. Vous avez, alors, ça, ce sont des choses qui reviennent, hein. Puisque dans Home, on a un soldat qui est revenu de la guerre de Corée. Donc ce syndrome post-traumatique, bon, pour Sula, ce terme n'existait pas vraiment, disons. On voit que, bien sûr, oui, ils prennent, si vous voulez, c'est le paradoxe, les Noirs prennent part à l'histoire officielle. Ce sont, enfin, elle le dit une fois, ils sont chers à canon, hein, pour eux. Mais ensuite, ils sont exclus de cette histoire. C'est-à-dire qu'ensuite, il n'y a pas de reconnaissance. Archives, déjà. Voilà. Hein, il n'y a pas de reconnaissance, on va dire, de la part essentielle et du traumatisme. Hein. Mmh. Alors, vous comparez cette manière de réfléchir sur l'histoire à l'école des annales. Oui, un petit peu. Oui, parce qu'il s'agit de l'histoire, on va dire, des gens ordinaires, des petites gens. Il s'agit d'objets. Il s'agit d'essayer de recueillir, de recouvrer, si vous voulez, des choses qui sont effectivement cachées, enfouies, parfois même anéanties. Alors, ce que je dis à mes étudiants aussi, c'est que, par exemple, l'ouvrage qui m'a beaucoup aidée, c'est l'ouvrage d'Arlette Farge, Le bracelet de parchemin. C'est-à-dire, cette historienne du XVIIIe siècle explique, enfin, c'est une analogie, hein, explique très bien que ces anonymes, en fait, on pouvait en faire l'histoire en récupérant les petits bracelets qui contenaient leur identité. Donc c'est un petit peu la même chose, surtout si l'on pense, par exemple, parce que là ça me vient à la tête, le père de, alors c'est Sula. Dans Sula, il y a un personnage assez haut en couleur, d'une femme qui s'appelle Pilate. En anglais, c'est Pilate. Et donc c'est un jeu de mots entre pilote, Pilate, donc qui est assez savoureux. La raison pour laquelle il s'appelle Pilate, donc, c'est que son père, qui était illettré, a vu ce nom dans la Bible. Donc, vous voyez l'analogie avec le bracelet de parchemin, c'est vraiment ces petites traces. Donc là, il y a l'illettrisme du père, en même temps, il y a le passage par la Bible, il y a la nomination. Cette nomination résonne, si vous voulez, dans une pluralité de sens, hein, puisqu'on lit Pilate sur la page, mais le son est Pilate qui résonne avec pilote, celle qui va guider, celle qui va montrer le chemin. Il y a aussi, du coup, à travers cela, quelque chose d'assez poétique. Comment Toni Morrison, qui est avant tout une écrivaine, qui n'est pas historienne de fait, mêle la poétique avec son souci de raconter l'histoire et de raconter l'histoire autrement? Alors, je vous dirais qu'elle ne raconte pas l'histoire, si vous voulez, donc qu'elle la fait ressentir. Oui, voilà, ou qu'elle raconte des histoires. En anglais, c'est du storytelling, hein, c'est-à-dire qu'on raconte, et c'est très important pour elle, c'est cette manière d'être liée à l'autre par l'histoire qu'on raconte, et notamment donc ce qu'elle met en scène très souvent, parce que c'est quelque chose de récurrent. Vous avez des histoires que les mères racontent à leur fille, mais il ne faut pas oublier chez Toni Morrison, il y a aussi la grand-mère. Donc vous avez trois femmes, hein, qui font circuler justement cette mémoire orale et quelque part cette conversation, si vous voulez, ce storytelling, ce telling, hein, c'est le fait de raconter en fait, et bien sûr analogue à ce qu'elle fait elle-même dans son écriture. Toute votre œuvre, Toni Morrison, depuis L'œil le plus bleu, votre premier roman, jusqu'à Délivrance, en passant par Beloved ou Home, témoigne de cette difficulté de se sentir américain dans une culture qui reste dominée par le regard de l'homme blanc. Est-ce que vous n'auriez pas écrit que là-dessus, en fait? That was the point of the first book, The Blue Sky. Oui, c'était le thème de mon premier roman, L'œil le plus bleu. Better, happier, Si vous pensez vraiment que vous auriez une vie meilleure, que vous seriez plus heureux si vous aviez des yeux bleus, donc une peau blanche, et que ça n'arrive pas, ça peut vous détruire, ça vous rend fou. C'est beaucoup plus que douloureux ou décevant, c'est ravageur. Alors, ce que j'ai voulu faire, je crois avoir réussi, c'est essayer d'extraire le poison de cette idée vénéneuse que certains noirs se sont imposés. Toni Morrison interrogé ici en 2016 par Augustin Trapenard. Alors si on comprend bien Claudine Reynaud, tous les livres de Morrison tendraient vers cette même idée, cette même volonté, cette même thématique du regard que l'autre porte sur vous. Oui. Mais non. Non. Oui, parce que je pense que le regard que l'autre porte sur vous et surtout ce que cette intériorisation, on va dire, du regard de l'autre va... C'est toujours ça, finalement, voilà, le regard que l'autre porte sur vous, c'est ce que vous en imaginez. Voilà, mais ce que vous en imaginez, non, ce dont vous souffrez, si vous voulez, en tant que noir, ça pourra être... Alors, c'est son premier roman, hein, c'est le Blue Eyes. Ça pourra être un effondrement total de la psyché. Et un vide, d'ailleurs, elle le dit, un vide. Donc, oui, le regard de l'autre, ça ce sera la façon dont, surtout au début, moi je dirais, hein, elle a, bon après, peut-être dans le dernier roman, Délivrance, on retrouve ces thèmes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de circulaire, ou avec Délivrance, c'est God Help the Child en anglais, elle revient à des thèmes qu'elle avait déjà abordés avec The Bluest Eye, et peut-être Tell Baby. Le regard de l'autre, moi je dirais, enfin, je la lis beaucoup plus comme disant ce que le sujet noir, c'est-à-dire que ce regard de l'autre ne peut pas vous détruire, et donc c'est vraiment cette survie, si vous voulez. Bien au contraire, il s'agit d'installer un sujet noir par rapport, si vous voulez, au génocide, par rapport, alors si on remonte à l'esclavage, par rapport au fait que les esclaves étaient des biens qu'on échangeait. Donc par rapport à ce statut de non-être, si vous voulez, ou de bien meuble, hein, son œuvre entière est une façon de poser un sujet noir. Avec, et alors c'est ce qu'elle fait par exemple, elle le dit par rapport à Beloved, mais je pense qu'elle le fait tout au long de son œuvre, c'est-à-dire qu'on va, elle va, grâce à sa propre mémoire, hein, dans de souvenirs même personnels, essayer de recréer, alors elle appelle ça une vérité du psychisme, on va dire, de ces petites gens, hein, de ces esclaves qui ont été complètement effacés jusqu'au point d'être donc considérés comme des biens meubles. Et à ce moment-là, on va avoir ce que c'est que de sentir, que d'aimer, hein, que d'avoir des enfants, que dans ce monde-là. Oui. Je crois que c'est cette chose-là qu'il faut comprendre, c'est-à-dire ce paradoxe, hein, et cette lutte, quand je dis survie, c'est vraiment cette chose-là, hein, c'est-à-dire essayer de dire il y a une humanité commune, cette humanité commune, historiquement, a été niée par l'esclavage qui a fait des Noirs esclaves des biens meubles, les assimilant parfois aussi aux animaux. Hein, donc on voit, il y a des métaphores animales dans son texte qui sont très prégnantes. Donc je pose le sujet noir, alors la femme noire, l'homme noir, l'enfant noir. Donc l'histoire, la question du sujet qu'on vient d'aborder. Une troisième question au cœur de l'œuvre de Toni Morrison, c'est le rapport au mythe, le rapport alors à différents mythes d'ailleurs, hein. Ça peut être aussi bien les mythes antiques, mais ça peut être aussi la Bible, puis ça peut être évidemment les mythes des contes africains. Alors on peut peut-être les prendre un petit peu dans l'ordre et parler d'abord du chant de Salomon qui pourrait être une odyssée, d'une certaine manière, oui. Claudine Reynaud. Oui, oui. Alors, ce que l'on trouve, ça c'est, oui, c'est un petit peu compliqué parce que je relisais justement ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle ne veut pas, elle se refuse, si vous voulez, à donner des noms d'auteurs, si vous voulez, à quelque chose qui serait de l'intertextuel, c'est-à-dire. Et pour quelle raison ? Oui. Alors, sa raison est très, surtout au début, quand elle explique, parce que dès le début de vers 30 ans, disons, elle est devenue pas si célèbre que ça. Donc, dans le premier roman, il a fallu qu'elle explique. Et donc, au fur et à mesure, ses explications, elle n'avait plus à les donner puisque, bon, les gens arrivaient à son œuvre. Donc, c'est surtout parce que, elle veut, si vous voulez qu'on parte, ou qu'on s'approprie plutôt, hein, que le lecteur s'approprie la culture noire américaine. Mmh. Donc le lecteur lettré, on va dire, va penser, elle dit par exemple, pour puisque vous me parlez de la chanson de Salomon, ou le chant de Salomon, au troisième roman. Vous me dites l'Odyssée, mais c'est aussi Icar, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui vole. Et elle, ce qu'elle va faire, elle va dire non. Hein, c'est-à-dire qu'elle va, si vous voulez, contrer ou si vous voulez, le lecteur dans sa propre approche va être bousculé, puisqu'il s'agit pas d'Icare, mais il s'agit du mythe de l'Africain volant, qui est quelque chose dont elle dit qu'on le trouve de façon très très très courante si on y prête attention, hein, dans les gospels, etc. On pourrait alors aller voir du côté du folklore noir qu'on sent. Par exemple, dans un autre roman qui s'appelle Tar Baby, c'est un conte où une poupée de goudron, hein, c'est ça, Tar, oui, c'est oui, le goudron. Tar, oui, c'est le goudron. Oui, je le prononce mal. Est confectionnée par un fermier. Cette poupée de goudron, finalement, a des vertus qui sont issues tout de même d'un espèce de mysticisme, justement, folklorique. Oui, alors ce qu'elle dit là, c'est que alors elle parle de dépoussiérer le mythe. Donc ce qui l'intéresse, par exemple, c'est de prendre ce conte. C'est un conte très connu, et donc cette poupée de goudron dans lequel s'embourbe un lapin. Donc c'est compère lapin en français, mais c'est Brer Rabbit en anglais. Elle dit qu'elle-même elle a fait des recherches. Bon, c'est quelqu'un qui écrit. Enfin, si on regarde les romans, hein, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vraiment, je n'ai pas moi-même travaillé sur les manuscrits, mais j'aimerais le faire parce qu'elle écrit de façon, enfin, chaque mot est pesé et vraiment, il y a énormément de révisions. Il y a beaucoup de recherches aussi historiques. Et beaucoup de recherches historiques. Donc là, par exemple, elle a recherché, elle a trouvé que le goudron est aussi quelque chose de bénéfique. Donc, si vous voulez, elle va à la fois jouer sur la poupée de goudron, donc qui serait cette femme noire qui, d'ailleurs, dans Tar Baby, elle vient étudier ici à la Sorbonne. Mmh. Donc, c'est un genre de mannequin international. Voilà, et donc il est façonné par qui ? Par le planteur dans le conte noir américain, mais qui, bien sûr, si on s'en réfère à notre société, sera le mannequin noir donc l'on voit défiler ici à Paris. Et donc elle va le renverser. D'ailleurs, oui, elle a une petite scène où cette jeune femme qui est à Paris rencontre une femme africaine qui a une robe canari, je crois jaune canari, qui lui crache au pied. Et donc, ce qui se passe là, c'est qu'elle a oublié, Morrison le dit, elle a oublié, alors en anglais, c'est ancient properties, donc elle a oublié, elle s'est complètement aliénée de la terre d'où elle vient, donc de la terre africaine. Donc, ses propriétés anciennes, elle les a oubliées. Alors on pourrait continuer avec d'autres mythes comme ça, ceux de la tradition européenne, toujours dans le chant de Salomon, avec des contes, Hansel et Gretel, Boucle d'or, Blanche-Neige dans l'œil le plus bleu. Mais il y a aussi la question des fantômes. Alors là, on est un petit peu dans autre chose, on est dans une tradition occidentale. Et comme vous le disiez tout à l'heure au début de l'émission, il y a beaucoup de fantômes chez Toni Morrison, et en particulier dans Beloved, puisque le petit enfant, le bébé que sa mère tue pour ne pas qu'elle devienne esclave, lui revient quelques années plus tard sous la forme d'un fantôme. Voilà. Alors, ce qu'elle dit, elle, c'est qu'elle a été élevée donc dans un univers où on racontait des histoires de fantômes. Et elle dit aussi que la frontière, si vous voulez, entre les vivants et les morts n'existe pas dans cette culture-là. Alors, ça, c'est quelque chose aussi de très important qui serait, si on la lit très bien, d'arriver à intégrer, je pense que le lecteur le fait, puisqu'elle demande au lecteur de participer vraiment activement, hein, d'arriver à s'approprier ces savoirs-là, hein, cette façon de voir le monde, hein, qui n'est pas occidentale et qui fait partie de la culture. Donc le fait de voir ce fantôme comme quelque chose qui est vivant. Est absolument, et qui est là, qui est dans la maison, est quelque chose d'absolument normal, hein, c'est ce qu'elle dit. Ça ne fait pas partie du merveilleux, ça ne fait pas partie du fantastique. Mmh. C'est peut-être le réalisme magique, on en parlera juste après, un extrait de Beloved. Quand arrivèrent en plein après-midi les quatre cavaliers, maître d'école, un neveu, un chasseur d'esclaves et un shérif, la maison de Bloodstone Road était si tranquille qu'ils crurent être venus trop tard. Trois d'entre eux mirent pied à terre, l'autre demeura en selle, le fusil prêt, les yeux braqués sur les alentours de la maison, vers la gauche et vers la droite, car il était très probable que la fugitive tente de filer à toutes jambes. Six ou sept noirs marchaient sur la route en direction de la maison. Le chasseur leur fit signe de ne pas bouger avec son fusil, et ils s'immobilisèrent. Le neveu revint après être allé jeter un coup d'œil dans la maison, se posant un doigt devant les lèvres pour réclamer le silence. Du pouce, il indiqua que ce qu'il cherchait était là-bas derrière, dans la pentille. Alors le chasseur d'esclaves mit pied à terre, puis tous les quatre se dirigèrent vers la cahute. À l'intérieur, deux garçons saignaient dans la sueur de la terre au pied d'une femme noire, qui d'une main en serrait un troisième trempé de sang contre sa poitrine et de l'autre tenait un nourrisson par les talons, la tête en bas. Elle ne les regarda pas. Elle balança simplement le bébé vers les rondins de la cloison, manquant son coup et tentait d'atteindre son but une seconde fois lorsque, jaillit de nulle part, dans le tic-tac du temps que les hommes passèrent à regarder fixement ce qu'il y avait à regarder, un vieux noir, le doyen du village, franchit la porte en bondissant dans leur dos et attrapa le bébé au milieu de la trajectoire du lancer de sa mère. Soon I will be done. Trouble all in this world. My trouble all. Un extrait lu par Guillaume Gallienne. Alors c'est le moment où Cess, qui est donc cet esclave qui a tué son bébé pour lui éviter de devenir esclave à son tour, se fait rattraper par ceux qui sont à sa poursuite. Il faut dire que c'est une histoire issue d'un fait divers réel. C'est en réalité l'histoire qui est arrivée à une esclave, Margaret Garner. Et alors au départ, c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parliez du fait que les esclaves étaient des objets. Au départ, cette esclave Margaret Garner a été jugée non pas pour assassinat, mais pour vol. Elle avait volé la propriété de son maître. Du maître, oui. Oui. C'est d'ailleurs la différence donc entre ce que fait Toni Morrison et ce que fera un historien qui essaiera de regarder les archives, puisque ce fait divers a fait grand bruit, et notamment auprès des abolitionnistes. Et elle a été jugée effectivement aussi parce que elle avait détruit la propriété. Donc dans la réalité historique, elle a été jugée parce qu'elle avait détruit la propriété du maître. Mmh. Et donc ce qu'on voit dans le roman, puisque vous me le demandiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, elle n'arrive pas à dire ce moment-là. Donc là, on a quelque chose de très intéressant. Vous parlez aussi du regard. Là, on voit bien que ce regard, c'est le regard des Blancs qui arrivent. Et on voit comment, enfin, ce qu'ils voient et ce qu'ils... Bien sûr qu'il ne voit absolument pas. Et nous, ce qu'on va voir et surtout entendre et comprendre et suivre, c'est ensuite comment Seth, donc l'héroïne, a tué son enfant et comment elle n'arrive pas à raconter ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir au creux du roman l'impossibilité, finalement, de dire l'infanticide, si vous voulez, le meurtre de l'enfant. Et ça, c'est, ça se traduit par des choses très concrètes. Donc, on dit qu'elle tourne autour du sujet, si vous voulez. Donc, et elle plie, elle replie des draps. Et donc, ces choses-là, si vous voulez, sont aussi des métaphores du récit lui-même. C'est-à-dire s'approcher, si vous voulez, de cet infanticide, c'est s'approcher de... Alors, je regardais, l'anglais est étrange parce qu'il va dire « it's real ». Hein, alors, comment le traduire, hein? Alors, bon, en lisant Lacan, on comprend, si vous voulez, c'est du réel, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'on ne peut pas, qu'on ne peut pas dire. Et donc, c'est le réel, si vous voulez, du fait de tuer son enfant pour qu'elle échappe à l'esclavage. C'est le réel de la mort, et c'est ce que le langage ne peut pas dire. Est-ce que c'est là où le réalisme magique qu'on commençait d'évoquer tout à l'heure peut intervenir pour dire justement ce qui est à la frontière entre le réel et le magique? Alors, pour Morrison, d'abord elle se méfie, bien que récemment j'ai vu qu'elle faisait référence à Garcia Marquez, il a une chronique des putains tristes pour son prochain ouvrage. Disons que moi je renverse, je suis désolée, mais souvent je renverse les choses. Hein. C'est-à-dire que, un, elle ne veut pas qu'on utilise ce terme-là, puisqu'elle dit, si on dit cette chose-là, on ne comprend pas la portée politique de ce que j'écris. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, on va partir dans le merveilleux, dans le fantastique, dans quelque chose qui n'est pas du réel, alors que si on prend le point de vue des Noirs américains et si on prend le point de vue de cette culture, ces choses-là ne sont pas étranges, ces choses-là ne sont pas fantastiques, au contraire, elles font partie, vous voyez, de leur univers. C'est un petit peu ça, justement, le réalisme magique, c'est de prendre pour normal ce qui pourrait paraître, pour un œil extérieur, un peu surnaturel. Oui, mais si vous voulez, ce que je pense qu'elle fait, c'est qu'elle va déconstruire cette idée qu'il y a, du réel et quelque chose qui, dans le réel, ne rend pas compte. Et c'est vraiment même presque une déconstruction, si je peux vous dire cela comme ça, de ces notions de réalisme magique. Et aussi ce qui la gêne, si vous voulez, moi j'ai vu des articles, par exemple, la magie noire de Toni Morrison. Si vous voulez, ce qui la gêne, c'est ce qui va, dans le mot magie, je pense, aller du côté. Et justement de ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le regard de l'autre, le langage de l'autre. Quand on dit magie noire, qu'est-ce qu'on est en train de dire en accolant magie et noire? Claudine Reynaud, on va continuer à parler de tout ça dans cette émission, juste le temps d'aller voir ce qui s'écrit du côté des revues et des magazines. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et en l'occurrence aujourd'hui, du côté du magazine L'Express, notre partenaire, c'est avec vous Marianne Paillot, rédactrice en chef adjointe du service livre. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler du livre de Catherine Poulain, Le cœur blanc, paru chez L'Olivier. En effet. Alors, à l'instar de Toni Morrison, Catherine Poulain est une sorte d'agitatrice salutaire. C'est comme ça que vous la qualifiez en tous les cas, oui, Marianne. En tout cas, elle a une personnalité incroyable, cette Catherine Poulain. Voix fluette, corps frêle, glissée dans un jean serré, main massive, impressionnante. Elle est apparue telle une tornade sur la scène littéraire en février 2016, avec un premier roman, Le Grand Marin. On s'en souvient. Oui, fruit de ses années de pêche en Alaska. Ce fut un carton. Plus de 250 000 exemplaires vendus, une bonne dizaine de prix littéraires et autant de traductions. Un tour de France des salons du livre et des librairies. Bref, un tourbillon à faire tourner la tête. Mais Catherine Poulain, qui a 58 ans, a déjà connu 1000 vies et affronté 1000 tempêtes, a tenu bon. Elle a quitté son métier de bergère après avoir été, excusez du peu, barmaid à Hong Kong, employée dans une conserverie de poissons en Islande, modèle aux Beaux-Arts de Singapour, assistante d'un cracheur de feu, ramasseuse de pommes au Canada ou encore peintre sur des chantiers navals au Guatemala et aux États-Unis. Ouf, direz-vous. Aujourd'hui installée dans le Médoc, elle publie son deuxième roman, donc Le Cœur Blanc. Alors de quoi s'agit-il exactement ? D'un roman charnel, emballant, envoûtant, violent aussi. Pas consensuel pour un sou, tiré de ses carnets de notes prises à partir de ses 23 ans, lorsqu'elle était saisonnière en Provence. Au centre de son cœur blanc, la communauté des saisonniers agricoles des années 1980 et 1990, immigrés pour la plupart, bande, je cite, de puits des pieds, de bois sans soif, de crève la faim. Parmi eux, deux fortes femmes, Rosaline, l'Allemande aux cheveux rouges, et Mounia, la jeune Kabyle. J'ai eu envie de casser l'image de marque du grand marin, reconnaît Catherine. Poulain, volontiers provocatrice. Ici, il n'y a pas cette grandeur de l'Occident. Le corps à corps sanglant avec les poissons que certains trouvent magnifiques. Mais une terre âpre, aussi belle qu'angoissante, et une humanité dure et tendre à la fois. L'action se déroule à Pont-de-l'Aigue, un village imaginaire du Vaucluse, histoire de ne blesser personne et surtout pas les agriculteurs, employeurs pas toujours réglo de cette manœuvre malléable à souhait. C'est dans ce village encaissé entre des montagnes que les ouvriers agricoles œuvrent au gré des saisons. Ils plantent les lavandes, préparent les greffons, travaillent la vigne, récoltent des olives, du tilleul, des cerises, des abricots, des asperges. Tout y est pénible. Ici, le corps se défend, puis s'habitue, s'endurcit, calme, apaise. Alors Catherine Poulain nous décrit donc le quotidien, au fond, de ces saisonniers agricoles, Marianne. Oui, elle les écrit, et elle écrit au plus près de ces manœuvres méconnues du grand public, finalement. Dans ce roman, il est peu question du travail lui-même, mais de l'accueil réservé à ces saisonniers qui vivent dans des cabanons sans eau ni électricité. Ils ont froid l'hiver et chaud l'été. Mordus par le soleil, il ne faut alors plus qu'un avec la brûlance. Seul invariant, le café, le rade, où il se réfugie et s'abreuve de bière. La bière, c'est la boisson parfaite, qui déçoit, fait réconforte, arrondit les angles et euphorise. Sauf que certaines ne savent plus s'arrêter. Comme l'écrit Catherine Poulain, « Nous buvons et buvons encore, puis nous tombons. Étrange jeu de massacre. Nous nous relevons le lendemain, la tête éclatée et les neurones en miettes. » Alors vous parliez également de violence, pour quelle raison ? Et oui, bien sûr, dans ce monde-là, la violence peut surgir à tout moment. Catherine Poulain en a mis une belle dose ici, afin de casser le ronron et réveiller notre société désormais corsetée et contrôlée. Le désir, le sexe sont omniprésents aussi. Comme tous saisonniers vivent en pleine nature, ils ont un côté animal. Très isolés du monde, ils ont des corps vivants, aux odeurs, aux effluves de tabac, de fruits rouges, de sueur, d'alcool. Catherine Poulain n'a pas son pareil pour les évoquer, ces effluves. Comme elle décrit à merveille la violence des sentiments, les folies de la nature, le feu qui est en chacun de nous, l'embrasement des sens, de tous les sens. Jusqu'à l'embrasement final, qu'on ne déflorera pas ici par grandeur d'âme. Oui, décidément, Catherine Poulain est un ovni dans notre monde de lettrés. Loin de Saint-Germain-des-Prés, elle enchante avec son cœur blanc, qui n'a, vous l'avez bien compris, rien d'un cœur d'artichaut. Voilà, qui donne envie. Merci Marianne Payot. On vous retrouve évidemment dans les colonnes du magazine L'Express. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez au deuxième jour de notre série consacrée à l'écrivaine Toni Morrison, prix Nobel de littérature 1993. Nous sommes avec Claudine Reynaud pour parler des grands enjeux de cette œuvre et de son rapport à la langue qu'elle évoquait en 2006 sur France Culture au micro d'Arnaud Laporte. I'm always revising language. Oui, on revoit le langage en permanence. An effort to be extremely welcoming to a reader. Mon objectif, c'est d'accueillir le lecteur, taking the reader to another place or level, d'accompagner le lecteur à un niveau plus élevé. Et moi, je sais que le lecteur pourra y arriver sans en être forcément conscient. C'est ça qui m'importe. Je n'ai que 26 lettres à ma disposition. That's it. I have to work within those confines. Et voilà donc les limites de mon travail, mais il faut que je me renouvelle sans cesse. But I never want to compete with language. Mais je veux jamais concurrencer la langue. I don't. I think it's another thing. Il y a des écrivains qui écoutent la musique ou qui prétendent être inspirés comme ça. Je n'essaye pas, moi, d'être musical dans l'expression d'écriture. La langue, c'est la paume de la main qui doit tenir le reste du monde. Quel vous semble être le rapport de Toni Morrison avec la langue, Claudine Rénaud, elle qui se revendiquait comme n'étant pas une poétesse? Oui, alors disons qu'elle se méfie de la manière dont on peut parler de son œuvre et même de la manière dont le jury du prix Nobel a dit que... Le jury du Nobel l'avait mal lu, selon elle ? Avait célébré, oui, the luster of poetry, donc le lustre de la poésie. Donc elle dit non, elle. Alors, c'est quand même assez poétique, c'est paradoxal, je vais vous dire, parce que effectivement, elle a écrit des poèmes. Et là, en ce moment, quand je discute avec des collègues qui sont des spécialistes de Toni Morrison, je me demande, donc je suis à des jurés de thèse, je me dis, il faut vraiment aller de ce côté-là. C'est-à-dire qu'elle a écrit aussi pour l'opéra, elle a écrit... et donc, on a ses romans, mais je crois que si on va du côté, on va dire, du récit, de la prose, on rate quelque chose qui serait du côté de la dramaturgie. Donc, son langage, ce qu'elle dit au départ, c'est qu'elle dit que le langage doit être silencieux. Mmh. Ça, c'est au départ. Elle veut qu'on entende la façon dont les choses sont dites, si vous voulez, sans qu'elle ait ajouté un adjectif, un adverbe, etc. Donc, elle dit, restituer au langage ce qu'il veut dire sans avoir à en rajouter. Donc, elle dit quelque chose de paradoxal, le langage doit être silencieux. Elle dit, donc il faut vraiment que la façon dont les choses sont dites, prononcées, ça c'est très important pour elle, le son doit être un produit de l'effet de l'écriture et non pas quelque chose que l'on rajoute dans un commentaire, si vous voulez, d'un narrateur omniscient, ou etc., qui contrôlerait l'écriture. Donc à ce moment-là, il faut, si vous voulez, constamment oraliser, il faut penser le son en premier. Et c'est ce qu'elle dit, vous savez, dans Beloved, elle dit au commencement était le son, et elle est très, c'est quelqu'un qui réécrit la Genèse, hein, Toni Morrison, c'est pas rien. Hein. Alors justement, il y a peut-être beaucoup de choses à dire sur cette question de l'oralité. La première, ce serait de poser la question des origines afro-américaines de cette culture de l'oralité. Mm-hmm. C'est de là que ça vient, j'imagine, en partie. En partie, oui, bien que certains professeurs de la Sorbonne m'ont dit que si je lisais Mark Twain, par exemple, il y a quelque chose d'américain, hein, de la rupture avec l'anglais britannique, etc. Mais pour Toni Morrison, il y a, alors c'est pour cela, quand vous parliez du lien à l'histoire, c'est le lien à l'histoire spécifique des Noirs américains, c'est-à-dire qu'ils ont été interdits d'écriture. Donc à ce moment-là, le son, si vous voulez, la voix était première. L'accès à l'écriture étant plus que problématique puisqu'il s'agit d'une transgression. On vole l'écriture au maître, on essaie de faire mieux que le maître et on le fait en rivalité. Donc ce son doit être là et ça on le voit dès le début. Alors le son, ça peut être aussi, alors c'est le son, vous voyez, ce qui du corps reste dans la voix. Hein, donc quelque chose de charnel. Mmh. Vous avez un roman qui commence par un son qui est même pas un mot. Hein. Donc il faut faire un claquement de langue. Le corps comme un instrument presque. Le bruit que peut faire le corps et ce son qui n'est pas encore un mot et on n'est pas encore dans le langage. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le sentir quand on lit ses œuvres. Bon, bien sûr, si on le lit en anglais, c'est encore mieux dans un sens, puisque il y a vraiment des jeux, hein, sur les sonorités. Hein. Je parle beaucoup de paronomas, c'est-à-dire que dans jazz, oui, c'est très flagrant. Alors là, on est quasiment justement dans la métaphore de ce que vous dites, parce que musical. Oui. Voilà, jazz, c'est un roman qui s'inspire de la manière dont on compose quand on fait du jazz. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire à la fois de manière très rigoureuse et puis en même temps intégrant des fausses notes éventuelles pour en faire justement exactement. Un élément musical à proprement parler. Oui, puis elle parle de l'aspect improvisé, l'improvisation. Oui, c'est-à-dire que là, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Hein, c'est-à-dire que les sons peuvent être intégrés. D'ailleurs, on le sait, les jazzmen peuvent pousser des petits cris ou vous aviez des bruits du quotidien qui étaient intégrés. Donc, le son n'est pas antinomique, on va dire, de la musique. Mais alors, ce qu'elle dit dès le départ, et bon, on peut le garder comme quelque chose qui est là jusqu'à la fin, c'est qu'elle veut que cette littérature, si vous voulez, soit le relais des sermons, des chants, de la musique des Noirs américains, précisément avant, parce que bon, au départ, ils ont été interdits d'écriture. Mm-hmm. Donc il y a du lyrisme à travers cette manière d'écrire, même s'il n'y a pas de poésie. Et c'est là où c'est quand même un petit peu étrange, alors, cette déclaration qu'elle a faite sur la poésie. Oui. Non, enfin, faut faire attention parce que un auteur parlant de son œuvre nous donne des clés, mais parfois aussi il peut, si vous voulez, vous dire n'allez pas là ou je veux pas que vous alliez là. Bon après l'œuvre appartient à celui qui la lit. Hein. Donc bon, et je crois qu'une fois elle l'a dit elle-même, elle a dit bon dans les entretiens, si vous les entretiens, quand on les connaît bien, ils sont parfois un petit peu répétitifs. Bon, ils disent des choses essentielles, bien sûr, mais ils ne donnent pas tout, et surtout, ils ne vous donnent pas ce que vous retirez de l'œuvre. Est-ce que la place de la nature est très importante pour Toni Morrison? Ah oui. Moi, dans quel sens alors? Alors oui, c'est complexe. C'est complexe parce que j'essayais de regarder. Moi, j'essayais de faire quelque chose qui était littéralement presque une lecture psychanalytique du moment où Seth raconte comment, si vous voulez, le souvenir qu'on a de quelque chose d'absolument traumatique ne sera plus vraiment personnel, mais sera une image, si vous voulez, qui va être là. Donc là, quand elle dit là, c'est à l'extérieur. C'est-à-dire que ça va être un souvenir. Alors en plus, là, Toni Morrison emploie un mot du vernaculaire afro-américain qui est « remembery », donc un ressouvenir. Je ne sais pas comment on peut vraiment le traduire. Donc ce ressouvenir sera comme, si vous voulez, quelque chose de... comme un objet ou qui sera... au lieu même de l'exaction, du crime, des violences. Et si vous vous promenez dans ce paysage, à ce moment-là, ce souvenir qui ne vous appartient pas, donc ce ressouvenir, risque de vous heurter. Donc je crois qu'elle est en train de faire quelque chose là qui a à voir avec, en particulier, le sud des États-Unis. La nature du sud. Voilà. Et comment cette nature du Sud, si vous voulez, moi j'avais essayé de faire un article une fois qui s'appelait « Les Noirs interdits de paysage ». C'est-à-dire comment regarder un très bel arbre du Sud des États-Unis ne peut pas vous empêcher, va ressurgir forcément l'image de corps pendu, c'est « Strange Fruit », la chanson que chante Bébé Rabelais. Dans les minutes qui nous restent, Claudine Reynaud, j'aimerais qu'on parle d'un dernier livre, « Un don ». J'avance dans la pièce. Se tiennent là un homme, trois femmes et une fillette qui me fait penser à moi lorsque ma mère m'envoie loin d'elle. Je me dis qu'elle est vraiment mignonne, mais elle se met à hurler en se cachant derrière les jupes d'une des femmes. Puis les visiteurs se tournent les uns après les autres pour me regarder. Les femmes restent bouche bée. La canne de l'homme tombe bruyamment par terre. Il ramasse son bâton, le pointe sur moi en disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Une des femmes se couvre les yeux en disant « Que Dieu nous vienne en aide !» La veuve agite les bras et dit que c'est son invité qui cherchait un abri pour la nuit. Nous l'avons gardé, comment aurions-nous pu faire autrement? Une des femmes prend la parole pour dire « Je n'ai jamais vu d'être humain aussi noir. » « Moi si, » dit une autre, « elle est aussi noire que les autres que j'ai vues. Elle est d'Afrique. Africaine et bien plus encore, » ajoute une autre. « C'est donc vrai, » dit une autre, « l'homme noir est parmi nous. » Et celle-ci est sa servante. Je ne comprends rien du tout, sauf que je suis en danger. Il me montre la direction d'une porte menant à une remise, et là, au milieu des coffres de voyage et d'un rouet, ils me disent de me déshabiller. Sans me toucher, ils me disent ensuite ce que je dois faire. leur montrer mes dents, ma langue. Ils regardent sous mes bras, entre mes jambes. Nu, sous leur regard curieux, je cherche à lire ce qu'il y a dans leurs yeux. Ni haine, ni peur, ni dégoût. Mais ils regardent mon corps de très loin, d'une distance infranchissable. Les cochons me regardent de plus près lorsqu'ils lèvent leur groin de leur auge. Ils finissent par me dire de me rhabiller et ils quittent la pièce en fermant la porte derrière eux. Je remets mes vêtements. Je les entends se disputer. Il ne semble pas si évident de savoir si je suis ou non la servante de l'homme noir. J'entends des noms, Satan, Lucifer. C'était And count your fingers. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Claudine Reynaud, ce roman Un don, il faut d'abord dire qu'il se passe dans l'Amérique du XVIIe siècle, au moment où les Blancs, les Noirs, les Indiens aussi subissaient encore la même oppression. Ce sera après, évidemment, les Noirs qui prendront sur leurs épaules la plupart des oppressions de l'esclavage. C'est donc un roman sur la fondation des États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'extrait qu'on vient d'écouter ? Oui, il est saisissant. J'avoue que quand je lis en anglais. Donc là, en français, j'ai trouvé excessivement bien traduit. Vraiment, c'est quelque chose qui porte. Traduction de Anne Wick. Alors oui, Anne Wick était ma collègue. D'ailleurs, nous avons signalé à Toni Morrison que certaines de ses traductions n'étaient pas vraiment bonnes. Et Anne Wick a été choisie pour rectifier certaines choses. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que il s'agit de Florence, donc cette esclave noire, qui là se trouve chez les puritains. Hein, on est au XVIIe siècle, et ces puritains vont essayer de chercher sur son corps. Qu'ils l'examinent sous toutes les coutures. Voilà. Alors ça, ce sont des choses pour qui c'est les sorcières. Enfin, je veux dire, c'est une référence aux sorcières de Salem, parce qu'effectivement, dans les sorcières, dans cet épisode de l'histoire des États-Unis, de la fondation des États-Unis, ont cherché sur le corps de ces femmes un signe qui serait le signe d'appartenance, on va dire, au diable. Hein. Donc ici, ce qu'elle fait, c'est à la fois, donc le diable étant Lucifer, le noir, dont la noirceur, renvoyant au diable. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la différence entre ces regards humains qui sont des regards à distance, et Florence qui vous dit, bon, les cochons me regardent de plus près. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans l'œuvre de Morrison, vous allez constamment avoir humain, vous avez la chose, hein, la chose, donc le bien meuble, et vous avez aussi l'animal, et vous avez l'humain. Mmh. Et donc, ces frontières-là, elles sont franchies précisément par rapport à l'histoire de l'esclavage. Donc là, ce qui se passe, pour terminer sur cette femme, en plus là, cette veuve, va être obligée. Donc là, vous voyez, on cherche une marque sur le corps de Florence, mais elle-même, cette femme, a une fille qui est accusée peut-être d'être une sorcière. Elle va être obligée de la fouetter au sang. Et donc cette marque du sang qui coule va permettre aux puritains autour d'elle de décider que non, finalement, elle n'est pas, disons, une servante du diable, enfin de Lucifer. Donc vous voyez, c'est la réversibilité. Moi, je lis ça comme la réversibilité totale des signes, c'est-à-dire que c'est la mère qui fouette sa fille, qui va permettre à sa fille finalement de sortir, si vous voulez, de ce cycle de lecture infernale, littéralement. Et va la sauver. Et cette idée de l'oppression généralisée au-delà de la couleur de peau, qu'est-ce qu'elle signifie selon vous pour Toni Morrison ? Qu'est-ce qu'elle veut dire là ? Ben, ce qu'elle veut dire, alors ça c'est très important parce que là je réfléchis de plus en plus, il ne faut pas enfermer Toni Morrison dans littérature noire parce qu'il faut mettre des guillemets partout. Même si elle a dit elle-même qu'elle écrivait d'abord pour les Noirs. Voilà, oui, mais que fait-elle ? C'est-à-dire ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de déconstruire et d'amener son lecteur, si on la lit bien, à déconstruire ce que sont les assignations raciales. Donc là ce qu'elle vous dit, elle vous dit la marque. Quelle marque ? Est-ce que le noir va être la marque du diable ? Vous voyez, le sang qui coule est la marque finalement que cet enfant n'appartient pas à Lucifer. Donc qui décide de ces marques ? pourquoi mettre une marque ? Pourquoi le racisme serait-il quelque chose qui est une marque ? Et alors, vous avez littéralement la marque des esclaves qui étaient des... Enfin, on les marquait comme, comme on marque le bétail. Merci beaucoup, Claudine Reynaud. Je rappelle donc votre livre, Toni Morrison, L'esthétique de la survie. C'est chez Belin. Il a paru il y a quelques années maintenant. Et plus récemment, on peut citer votre article dans l'ouvrage collectif Toni Morrison, au-delà du visible ordinaire, publié par les presses universitaires de Vincennes sous la direction d'André-Anne Kekedika. Ça, c'était en 2014 et l'autre en 1997. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Jean-Guilain Meige. Demain, troisième jour de notre série Toni Morrison, avec Annie-Paul Miel de Prinsac, nous parlerons notamment de l'ancrage sensuel de la pensée de Toni Morrison. Tout de suite, c'est la poésie, Jacques Bonafé. Bonjour, toute la semaine avec Fernando Pessoa. Pessoa. Encore un qui écrit sa poésie en précisant ce qu'il met dans sa poésie. Et c'est un peu cet exercice d'équilibre sur les ingrédients, les proportions, voire quelquefois les temps de cuisson et l'humeur du cuistot qui nous font un bon poème. Si parfois je dis que les fleurs sourient, et s'il m'arrive de dire que les rivières chantent, ce n'est pas que je pense qu'il y a des sourires dans les fleurs, ni des chansons dans le courant des rivières, c'est qu'ainsi je fais mieux sentir aux hommes factices l'existence véritablement réelle des fleurs et des rivières. On peut piocher où on veut. L'unique sens intime des choses, c'est qu'elles n'ont vraiment aucun sens intime. Ce que je pense du monde, qu'est-ce que j'en sais, moi, si je tombais malade? C'est à ça que je penserais. Je ne crois pas en Dieu parce que je ne l'ai jamais vu. S'il voulait que je croie en lui, il viendrait sans doute me parler. Il entrerait par la porte en me disant « me voilà ». Quelle idée j'ai, moi, des choses? Quelle opinion j'ai, moi, des causes et des effets? Ai-je seulement médité sur Dieu et sur l'âme, sur la création du monde? J'en sais rien. Pour moi, penser à ça, c'est fermer les yeux. Et ne pas penser, c'est tirer les rideaux de ma fenêtre. Elle n'a pas de rideaux. Mais si Dieu sait les fleurs et les arbres, et les monts et le soleil et le clair de lune, alors je crois en lui. Alors je crois en lui, à toute heure. Et toute ma vie n'est qu'une prière, une messe, une communion par les yeux et par les oreilles. Mais si Dieu sait les arbres et les fleurs, et les monts et le clair de lune et le soleil, pourquoi l'appeler Dieu? Je l'appelle fleurs et arbres et monts, soleil et clair de lune. Parce que s'il s'est fait pour que je le voie, soleil et clair de lune et fleurs et arbres et monts et clair de lune et soleil et fleurs, c'est qu'il veut que je le connaisse comme arbres, monts et fleurs et clair de lune et soleil. C'est pourquoi je lui obéis. Que sais-je de plus sur Dieu que Dieu lui-même? Je lui obéis d'instinct en vivant, comme celui qui ouvre les yeux et qui voit. Et je le nomme clair de lune et soleil et fleurs et arbres et monts. Et je l'aime sans penser à lui. Et je le pense quand je le vois et quand je l'entends. Et je marche avec lui à toute heure. Penser à Dieu, c'est désobéir à Dieu. Parce que Dieu a voulu que nous ne le connaissions pas. Aussi ne s'est-il pas montré. Et voilà, merci Jacques Bonafé. Vous nous lisez cette semaine des poèmes de Fernando Pessoa.